Bruxelles, une fois. C'est le 20 juin 1966 que la petite famille arrive à Bruxelles. Papa leur a trouvé un appartement au 19 rue du Quai au Foin. Faustine est enthousiaste. Elle a adoré le voyage. Traverser toute la Suisse, changer de train à Bâle, emprunter la compagnie des wagons-lits, dormir dans la moelleuse couchette une fois de plus, sans doute la dernière avant longtemps. Leur appartement, un duplex au 5e et dernier étage, est très original. Avec Stéphane, ils se partagent un lit superposé dans la chambrette sous les toits. Faustine, à 20 cm de la fenêtre, s'endort, la tête dans les étoiles. Le reste de son royaume comporte 2 petites tables, 2 chaises et un cagibi si grand qu'il pourrait presque servir de chambre supplémentaire. Pour leur première nuit, pas de drap ni de couverture sur les matelas douteux. Mais il ne fait pas froid en ce début d'été. Papa et maman couvrent les enfants avec leurs manteaux légers, sans plus. Au réveil, Faustine inspecte leur nouveau domaine. Si on monte sur une chaise, on peut voir tous les toits de la ville. Faustine et Stéphane s'occupent, avec les tonnes de pixou, magazines et autres bandes dessinées que papa a dégotées au marché aux puces. Plus tard, maman leur donne des petites balles blanches et des planchettes qu'elle a trouvées dans la cuisine. Quelle aubaine! Les enfants ne se lassent pas de jouer au ping-pong, se servant des 2 tables adossées au mur. Le reste du temps, ils partent explorer la ville en famille. Après bien des détours, ils dénichent finalement le Manneken Pis dans une toute petite ruelle derrière la gare. Faustine est déçue. Comme il est petit! Et franchement, son zizi n'a rien de plus que celui de Stéphane. Une autre fois, papa leur impose un parcours interminable jusqu'à une boulangerie qui vend un gâteau prétendument extraordinaire. C'est un multicouche au chocolat qui s'appelle Matadi. Un nom exotique, africain, qui plaît bien à Faustine, mais qu'elle apprécierait encore mieux si papa leur en laissait plus qu'une minuscule tranche. Il l'a goûté souvent, lui. Il n'y a vraiment pas de justice. Pendant le petit mois qu'ils passent dans le duplex du Quai au Foin, papa et maman cherchent activement un nouveau logis et une nouvelle école. Entre 2 quêtes, ils pique-niquent dans le bois de la Cambre ou dans la forêt de Laeken, nagent à la piscine, explorent l'atomium et son parc de jeux. Ils visitent la cité à fond depuis l'avenue Louise jusqu'à la place de Brouckère, sans oublier la célèbre Grand Place et toutes les ruelles alentour aux noms si évocateurs. La rue des Bouchers, la rue du Marché aux Herbes, la rue au Beurre ou la rue de la Fourche. Ils n'ont pas de voiture encore. Mais maman prétend que la ville de Bruxelles est si grande qu'il y a largement de quoi occuper les vacances. Ce matin, maman demande à Faustine d'aller à la boulangerie. Elle confie quelques pièces à la fillette, lui recommandant de rapporter la monnaie. Faustine demande combien ça coûte en francs suisses. Maman lui dit qu'un franc belge vaut environ 8 centimes suisses et qu'en Suisse actuellement, 1 livre de pain coûte 85 centimes. Faustine descend les 5 étages en courant et calcule tout le long du chemin. Elle essaye de convertir les francs belges en francs suisses des fois que la boulangère lui demanderait plus que ce qu'elle doit payer. Ce n'est pas très facile tous ces calculs. Elle ne s'en sort vraiment pas. Quand son tour arrive, elle passe sa commande. « Coupé ou non coupé ?» lui demande la boulangère. Faustine n'en a aucune idée. Elle répond « coupé » au hasard. La matrone prend la grosse miche et la place dans la coupeuse. Le pain ressort en tranches très fines. Elle met le tout dans un sachet, le scelle et le donne à la fillette avec sa monnaie. Faustine passe tout le chemin du retour à convertir ses petits sous en francs suisses, puis belges. Mais hélas, elle n'est pas plus avancée. Si, malgré tout, elle a payé 11 francs sa livre de pain. Bientôt, elle comprend qu'elle peut se permettre de compter directement en francs belges, comme elle le faisait à Lausanne avec les francs suisses. Quelle révélation! Quand elle arrive à la maison avec son pain tout frais et bien emballé, elle bute dans le propriétaire qui redescend de chez eux, puis entend ses parents rire dans l'entrée. Le proprio vient de leur expliquer l'origine du grand trou brûlé dans le parquet du salon. Figurez-vous qu'avant l'arrivée de la famille de Faustine, les locataires étaient des Congolais qui n'avaient rien trouvé de mieux que d'allumer leur feu commémoratif au beau milieu de la pièce. Faustine reste bouche bée. Elle imagine une tribu de sauvages avec un ou deux lions et pourquoi pas une grosse marmite dans laquelle cuirait un explorateur. Elle n'aurait jamais pensé trouver ça en ville. Enfin, elle donne son pain à maman en disant qu'elle l'a fait couper. Papa s'amuse de la finesse des tranches qu'il qualifie tout de suite d'aérodrome et dit qu'il faudra prendre soin de sortir le beurre à l'avance si on ne veut pas les déchirer. Au soir de toutes ces émotions, les enfants dorment paisiblement. Quand un immense raffut les réveille, le cœur de Faustine se met à battre très fort. La fenêtre de leur chambre qui donne sur les toits est ouverte. On dirait qu'il y a du monde dehors. Ça fait drôle d'entendre une foule si près de soi quand on habite au 5e. Mais depuis qu'on lui a raconté l'histoire de la tribu de sauvages dans le salon, elle s'attend à tout. Secouée, elle descend vite réveiller les parents. Papa monte dans leur chambre, grimpe sur la chaise devant la fenêtre et interpelle un homme muni d'une lampe de poche qui passe à proximité. C'est un policier. Avec ses collègues, ils sont à la poursuite d'un voleur qui s'est caché quelque part. Il demande à papa de regarder si l'homme ne serait pas rentré dans la chambre par hasard. Papa inspecte le cachibi, ne trouve rien ni personne, heureusement. Un peu plus tard, il voit passer les gendarmes maintenant fermement leur gibier. Il est rare que les voleurs soient des tueurs, explique papa, voulant rassurer les enfants. Il n'empêche, tout le monde respire. Cette fois, papa ferme la fenêtre et se promet de trouver rapidement un autre logis moins exposé. Faustine se rendort en regrettant, maintenant qu'elle ne risque plus rien, que le dangereux criminel ne soit pas entré chez eux. Elle l'aurait bien caché, elle. Papa n'a rien contre les aventures, il en a vu d'autres, paraît-il. Même qu'un jour, il a reçu un coup de couteau. Faustine ne sait plus où ni pourquoi, n'a jamais vu la cicatrice. Mais elle en a été très impressionnée. Cependant, lorsqu'il s'agit de protéger sa famille, il ne rigole plus, papa. Dans la quinzaine, il trouve un nouveau logement, rue Paul Lauterse, un meublé minable, presque insalubre, mais au rez-de-chaussée cette fois. Il se compose de plusieurs pièces en enfilade qui donnent sur une petite cour habitée par une tortue, prénommée Caroline. Les enfants l'adoptent aussitôt. Maman n'est pas très heureuse de ce choix de logement, mais il leur permettra d'attendre jusqu'à ce qu'ils trouvent mieux. Et surtout, la fin des vacances approche.